18 bougies et j'avais déjà 2000. L'argent facile et ça n'est pas si facile. J'ai ma coupe pourvue qui sort la marina. Vends pas la coca en tout du finir. Des histoires de chasse mais pas pour des tagas. Tu te fais fumer, t'as voulu fumer le taga. Comment je regrette d'avoir quitté l'école. Les journées sont longues, on dirait que je suis en tôle. Tu fais le grossiste depuis que tu vends la drogue. On soulève ta meuf comme la gambardella. T'as sniffé la blanche, maintenant t'es en HP. Casse le Neyman, maintenant il faut t'échapper. Képi sur la tête, je peux pas, j'ai la tête de Marcelo. Y'a une transac, le dealer prend son vélo. Allô, allô. J'entends des échos. Putain mon gars, je crois bien qu'on est sur écoute. Discret sur Insta, il faut pas se faire péter. Dernière location, mon gars roule un TT. Cush de Marrakech dans un joli sachet. J'vends pas la drogue, sinon maman va se fâcher. C'est le sasson aussi, faut que leur Philippe plein. T'envoies des tailles, mais le lendemain t'as plus rien. Tu t'es fait péter parce que t'as pas fait gaffe. J'rentre à la maison quand maman part au taf. J'encaisse l'alias sangré, j'recompte et rien que ça monte. J'entage jusqu'à plus de place. Tiens pas le clock, j'tiens à mes potes. J'encaisse l'alias sangré, j'recompte et rien que ça monte. J'entage jusqu'à plus de place. Tiens pas le clock, j'tiens à mes potes. Hola, pélo. Je te cadenasse comme Makelele. J'ai fait bien plus que la semaine dernière. Je danse sur un air du coup Lélé. Elle fait des pipes pour des doses de crack. Et avec une pipe, elle fume son crack. Je te vire du jus comme psychopathe. Dans l'automobile avec 4 macaques. Tu viens chez moi pour pécho ta meuf. Viens chez toi pour pécho de la meuf. Midi, minuit, moi je connais pas. Fuck ton terrain, je bosse pas pour toi. Sur mes cheveux, je mets du beurre de karité. Je sens fort dans le wagon, c'est de la bonne qualité. Tes premiers soirs, elle avait déjà écarté. Je suis un gentil mec, donc je vais l'éviter. J'arrive en job et je me déplace pour un 12. Qui sert les boules sans gousse, Canada gousse. Posé dans Piga, je suis dans la part d'une meuf. J'aime les jolies filles, mais je préfère mes reufs. 5h du matin, c'est l'heure de la perquise. J'entends du bruit chez la voisine. Tous ces junkies ont besoin de leurs œufs d'eau. Et ta nouveau petit qui livre en vélo. J'encaisse l'alias sangré. Je recompte et rien que ça monte. J'entage jusqu'à plus de place. Tiens pas le clock, j'tiens à mes potes. J'encaisse l'alias sangré. Je recompte et rien que ça monte. J'entage jusqu'à plus de place. Tiens pas le clock, j'tiens à mes potes. Croix sur le terrain, le buteur à perdre qu'un. Son textile c'est du croco, la volaille prend des photos. Elle cache pilon dans ses collants, elle est collante comme mon pilon. Je suis passager, elle tient le volant, je mets ma main dans ses bas nylon.